Qu'est-ce qu'elle a à me péter les roustons? Qu'est-ce qu'elle a à me gaver l'oignon? Qu'est-ce qu'elle a à... Qu'est-ce qu'elle a à me gaver l'oignon? Qu'est-ce qu'elle a à me péter les roustons? La vieille, qu'est-ce qu'elle a râlé? La vieille, je voudrais être libre enfin, enfin, enfin, enfin!